Le temps du don, en partenariat avec l'Union départementale des associations de donneurs de sang bénévoles en Meurthe-et-Moselle. Bienvenue sur Fadjet, vous écoutez Le Temps du Don, au programme de cette 7e émission. Dominique vous informera sur les dernières actualités sur le don de sang. La thématique de l'édito sera le sang des étudiants. Nous recevrons l'organisateur du rallye du sang qui nous parlera de ce challenge. Et nous finirons avec l'agenda du don du mois de mars. Le temps du don, le temps de l'actu. Et tout de suite, le temps de l'actu présenté par Dominique. Bonjour Dominique. Bonjour Christophe. Bonjour. As-tu des actualités saignantes à nous communiquer ce mois-ci? Bon bah alors, la première, mais on va en parler toute cette émission, et je vous l'avais déjà teasé le mois dernier, et pour tous les étudiants, eh bien, vous pouvez participer au Rallye du Sang tout le mois de mars, c'était mon premier point. Deuxième activité, cette année, l'EFS prévoit aussi deux animations par mois à la Maison du Don, boulevard Lobo à Nancy. C'est bien ça. C'est les deuxième et quatrième mercredis du mois, sur les thèmes bien-être et animation musicale. Par exemple, le 11 février, ce sont des massages faciaux qui ont été réalisés auprès des donneurs de sang et de plasma afin de détendre les donneurs. Voilà. Toujours au mois de février, comme chaque année, l'EFS a réuni les différentes amicales pour échanger sur les nouvelles concernant les transfusions, les forces, les difficultés, voilà. Et puis, la réunion a eu lieu le 11 février, a rassemblé une cinquantaine de bénévoles de tout le département. Ce qui en ressort, c'est toujours l'ambition de l'EFS sur les dons de plasma. Nous en avions parlé le mois dernier, et je vous rappelle que nous ne sommes pas suffisants en France en ce qui concerne les médicaments issus du plasma, loin de là. Pour cela, l'objectif, c'est de collecter 1,4 million de litres de plasma par an d'ici 2028. Aujourd'hui, c'est 867 000 litres, donc il faut presque doubler. Chaque année, plus de 500 000 personnes sont soignées grâce au don de plasma. Et le seul lieu pour donner son plasma, c'est dans les maisons du don, et il y en a 90, dont une à Nancy. Ouais, c'est bien ces petites réunions annuelles organisées par l'EFS. Hein. Donc là, c'est l'occasion effectivement d'avoir des échanges avec l'EFS, c'est notre partenaire privilégié. Hein. Donc les associations et l'EFS, main dans la main pour cette ambition plasma, entre autres. Voilà, et puis la dernière nouvelle, ce sont les trophées du Fair Play qui débutent prochainement, aussi au mois de mars. Alors pour ceux qui ne connaissent pas ces trophées, c'est organisé par la SNL et par Meurthe-et-Moselle Habitat. Des centaines de jeunes devront prouver qu'ils ont autant de talent pour taper dans un ballon que respecter leurs concitoyens et la planète. Alors, ce rendez-vous sportif et ludique s'adresse aux jeunes de 6 à 14 ans, principalement des quartiers d'habitat sociaux. Ça se déroule à travers le département avec le précieux concours de dizaines de partenaires associatifs, culturels et institutionnels. La manifestation bénéficie du soutien des clubs de foot et des municipalités. Évidemment, les associations locales et départementales pour le don de sang sont présentes dans le village citoyen lors de ces rencontres sportives. Alors, vous pourrez donc les rencontrer lors de plateaux sportifs à partir du mercredi 11 mars à Pont-à-Mousson, Jeuf, Jarville, Champignol, Vendeuvre et pour la finale au stade Marcel Picot à Tomblaine. Ah, c'est bien Picot aussi ça. Le temps du don, le temps de l'édito. Ils ont des cernes, un agenda surchargé, parfois un compte en banque un peu fragile. Et pourtant, ils ont un pouvoir immense, celui de sauver des vies. Eux, ce sont les étudiants. Quand on pense au don de sang, on imagine souvent des adultes installés dans une routine bien huilée. Et si on changeait de regard? Car sur les campus, entre deux partiels et un café avalé trop vite, il y a une énergie, une générosité, une solidarité qui ne demande qu'à s'exprimer. Donner son sang quand on est étudiant, c'est un geste simple mais fort. Une heure de son temps pour sauver trois vies. Une heure entre deux cours pour rappeler que la jeunesse n'est pas seulement synonyme de fête ou d'insouciance, mais aussi d'engagement. Et puis, soyons honnêtes, les étudiants sont souvent les premiers à répondre présent quand il s'agit d'aider. Mobilisation solidaire, cause humanitaire, écologie. Le don de sang s'inscrit dans cette même logique. Un engagement concret, immédiat, utile. Pas besoin de longs discours. Le corps agit, le cœur suit. Alors oui, il y a des idées reçues ou les fausses bonnes excuses. Je suis trop fatigué, je n'ai pas le temps, je verrai plus tard. Mais le sang, lui, n'attend pas. Les besoins sont constants et les réserves parfois critiques. Donner son sang, c'est aussi un moment à part. On s'arrête. On prend soin des autres et souvent on repart avec quelque chose en plus. Une fierté discrète, le sentiment d'avoir fait sa part. Étudiante, étudiant, vous êtes une force vitale. Alors, la prochaine fois que la collègue s'installe près de votre fac, et mon intuition me dit que cela va arriver très vite, poussez la porte, parce qu'un simple don peut faire toute la différence. Le temps du don, le temps de l'invité. Cette semaine, dans Le Temps du Don, nous recevons le responsable PCJS. Prévention, citoyenneté, jeunesse et solidarité de la Corporation Kiné Nancéenne Étudiante, la CoKiné. Bonjour André, bienvenue dans le temps du don. Bonjour Christophe, merci de m'accueillir aujourd'hui. André, dans un premier temps, je vais vous proposer de vous présenter et de nous expliquer en quoi consiste votre mission au sein de la CoKiné. Et ensuite, après le quiz, je vous inviterai à nous dire tout ce que nous devons savoir sur le rallye du sang. Donc moi je suis étudiant, j'ai 21 ans et je fais partie donc de la CoKiné, comme tu l'as très bien dit, l'association des étudiants kinés à Nancy. Donc je fais partie de cette merveilleuse corporation en tant que responsable PCJS, prévention, citoyenneté, jeunesse et solidarité. Et aujourd'hui, donc, je suis là pour vous parler du rallye du sang, donc cet événement qui est organisé par tous les responsables PCJS de la corporation kiné depuis maintenant 4 ou 5 ans et qui va se dérouler sur l'entièreté du mois de mars. Vous êtes originaire d'où, André ? Ben moi, je suis né à Nancy. Un Nancéen, un pur Nancéen. Vous en êtes à combien d'années d'études, là ? Donc là, je suis en troisième année à l'école de kiné. Ok, elle est où alors cette école de kiné ? Alors l'école de kiné, elle est située rue de Nabécor à Nancy. Et vous avez un cursus qui est prévu sur combien de temps ? On a un cursus qui est prévu pour 4 ans en plus de l'année de médecine préalable avant l'entrée en école de kiné. Ok, et après tout ce temps-là, donc, vous êtes tout à fait capable d'exercer le métier de kiné. Voilà, on est libre. Et Dominique, là, qui a des besoins effectivement en kiné, j'en suis sûr. Toi aussi, hein, Christophe. Et moi aussi, bien entendu. Dans la présentation, j'ai parlé, vous êtes responsable PCJS. Qu'est-ce que c'est votre mission ? Eh ben dans prévention, citoyenneté, jeunesse et solidarité, donc on a un rôle important, donc déjà celui d'organiser le rallye du sang, mais aussi d'organiser d'autres événements solidaires, que ce soit par rapport à l'école ou même par rapport aux étudiants des autres facultés. Ça peut être des événements sportifs ou caritatifs ou un mélange des deux. Il y a quoi comme événement sportif par exemple ? Bah, événement sportif, avec le responsable sport de la Corpo par exemple, on propose des courses interpromo, voire même inter-école au niveau national, que ce soit dans différentes disciplines, au niveau de la natation, au niveau de la course, et on organise aussi des soirées par exemple à thème comme de l'escalade sur d'autres sports. L'argent récolté pour les places, ça va nous servir à faire des dons pour des différentes associations. Bravo ! Et l'escalade, on le fait où ? Alors l'escalade sur Nancy, j'ai pas le lieu exact, mais okay. J'espère qu'il y aura une session bientôt. Ça marche. Là, on parle don de sang. Vous êtes vous-même donneur de sang, André ? Eh ben justement, non, c'est l'occasion de me lancer. C'est la première fois que je vais donner mon sang sur ce mois de mars. Et j'ai pour objectif de donner mon sang et mon plasma aussi. Bah, félicitations. Très bel objectif. Bravo, effectivement. Ok, bah merci André pour cette présentation. Le temps du don. Le temps du quiz. Allez, donc le quiz, je vais vous poser tout de suite la première question, c'est sous forme de QCM. Ça va être simple, t'inquiète pas. Il n'y a pas de souci. À partir de quel âge peut-on donner son sang ? Petit A, 16 ans. Petit B, 17 ans. Petit C, 18 ans. Je vais choisir le petit C. Effectivement, Dominique. Il a raison, petit C, 18 ans. Et oui, il faut avoir effectivement 18 ans et on peut donner jusqu'à la veille de ses 71 ans pour un don de sang. Voilà, c'était le petit complément d'info. Bravo, on va passer à la deuxième question. On part du postulat, je viens de me faire tatouer ou percer. Combien de temps dois-je attendre avant de pouvoir donner mon sang ? Petit A, j'ai pas peur des aiguilles, j'y vais demain. Petit B, j'attends 2 mois. Petit C, bah, je peux plus donner. Alors, on peut donner au bout de 2 mois. Oh, il est fort. Ouais, il a bien révisé. Il a révisé, c'est pas possible. Hein. Donc, effectivement, la réponse, c'est bien 2 mois. Et ça, c'est un délai qui a été réduit de moitié depuis le 1er septembre 2025. Ouais, on en avait parlé sur un podcast précédent. Exactement, je vous renvoie à un podcast précédent où cette actualité avait été annoncée. Bah, bravo à tous. Vous les aviez, vous, les réponses, vous qui nous écoutez ? Le temps du don. Le temps de l'invité. André Senet, vous êtes notre invité aujourd'hui, vous êtes étudiant, mais vous êtes aussi là en tant qu'organisateur du rallye du sang. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur le rallye du sang ? La réponse, c'est oui. Oui, effectivement. Donc, le rallye du sang, qui est un challenge étudiant, qui est co-organisé par donc, la Corporation Kiné Étudiante, la DSB, l'Union des Donneurs de Sang du 54, la Ville de Nancy, mais aussi la Fédération Étudiante Lorraine, donc FEDELOR, et forcément l'EFS, l'Établissement Français du Sang, avec aussi la participation de la Maison du Don de Nancy. Ok, donc beaucoup de partenaires, effectivement. Donc ça s'appelle Rallye du Sang, il faut avoir le permis pour une voiture pour participer ou pas ? Alors il n'y a pas besoin d'avoir le permis parce que c'est nous qui nous déplaçons justement sur les facs et les différentes écoles. Donc on a 6 points de collecte différents avec par exemple le pôle Herbert Simon, l'école Pigier, la fac Science, le campus Brabois Santé pour les étudiants en médecine, pharmacie, dentaire, la fac de lettres et aussi la fac de droit. Ok, bon, il y a plein d'endroits effectivement où les étudiants vont pouvoir donner leur sang, ça c'est super. On retrouvera toutes les dates d'ailleurs sur l'information que Dominique nous donnera dans l'agenda plus tard. Donc là, sur ces actions-là, comment ça va se passer concrètement alors ? Alors, il y a plusieurs étapes pour pouvoir donner votre sang sur les différents points de collecte. Donc dans un premier temps, pour savoir si vous êtes éligible au don du sang, vous allez pouvoir réaliser un test en fait sur le site de l'EFS, qui va vous prendre que quelques minutes, pour savoir si vous êtes éligible. Ensuite, une fois sur place, vous allez vous présenter donc à la collecte et vous allez d'abord avoir un premier questionnaire à remplir avec 43 items, ça prend entre 5 et 10 minutes à faire. Et sur ce questionnaire, vous allez répondre effectivement devant un professionnel de santé ou une personne habilitée de l'EFS. Et une fois que vous avez répondu à ce questionnaire et que toutes les réponses elles coïncident, elles vous permettent de donner votre sang, vous allez avoir un petit entretien médical, pareil avec une personne habilitée de l'EFS ou un professionnel de santé, pardon, et qui va... vous poser des questions un petit peu plus en détail, venir creuser un petit peu plus pour savoir si vous pouvez débriefer le questionnaire en fait, et qui va valider ou pas la participation, l'éligibilité au don. Oui. Parce que c'est ça. Hein. Ok. Ok, très bien. Et ensuite ? Et ensuite, donc, il va y avoir le don de sang qui va être réalisé, lui qui va durer entre 8 et 10 minutes. Et après ce don, vous allez avoir le droit à une petite collation pour vous remettre un petit peu, histoire de vous reposer, parce que un don de sang, c'est pas rien, ça prend un petit peu d'énergie aussi. Oui, et d'ailleurs, est-ce qu'il y a des recommandations à faire aux étudiantes et étudiants qui vont venir donner leur sang ? Et bien justement, il y a une idée reçue, c'est de venir à jeun. Et bien non, pour un don du sang, ne venez pas à jeun, prenez un petit déjeuner soit copieux, soit un petit déjeuner classique. Hein. Pensez à bien vous hydrater, que ce soit avant ou après le don aussi, et puis voilà. J'ai une question aussi, plutôt sur la partie communication. Comment ils le savent, les étudiants, qu'il y a une collecte qui va être organisée dans leur fac ? Là, vous avez parlé effectivement de 6 lieux. Est-ce qu'il y a des choses qui sont organisées en amont ? Comment je suis étudiant, ouais. Comment je le sais ? Alors dans un premier temps, comme vous l'avez dit, il y a les affiches qui sont diffusées donc, en ville. On a aussi un compte Instagram et un compte Facebook. Là où forcément, les étudiants et les jeunes sont très présents pour pouvoir diffuser un maximum d'informations. On communique quasiment tous les jours des informations différentes, des rappels sur les choses préalables au don et les choses auxquelles il faut faire attention après le don. Et on a aussi... on a reçu aussi des tracts et des affiches de la part de l'EFS pour pouvoir les diffuser et en distribuer à travers les différents lieux de collecte aussi. Ok, super. Il n'y a pas des sensibilisations aussi qui... je sais que les autres années, il y avait des sensibilisations qui étaient organisées un petit peu en amont des collectes. Oui, il y a les sensibilisations qui commencent fin février et qui se dérouleront jusque début mars sur, pareil, les différents lieux de collecte. Et là, l'objectif, c'est... Vous êtes jeune, vous êtes moderne, c'est de prendre le rendez-vous directement sur l'application, je pense. Oui, c'est ça. Soit prendre le rendez-vous sur l'application ou sur le site internet. Ok, super. Vous avez parlé d'un site, de pages de réseaux sociaux, d'Instagram, Facebook. C'est quoi le nom de... Oui, alors le compte Instagram ou Facebook, c'est simplement Rallye du Sang 2026. Voilà, vous tapez Rallye du Sang 2026 dans la barre de recherche et puis vous trouvez tout de suite. Tout simplement. On va en profiter là. On a une information concernant des dates qui ont été supprimées. Peut-être qu'on peut les donner tout de suite. Eh bien oui, effectivement, il y a des dates de collecte qui ont été annulées. Donc, c'est les collectes du 18 mars et celles du 26 mars. Voilà. Ouais, c'est important. Donc, si vous étiez positionné sur ces collectes-là, repositionnez-vous bien sur des collectes existantes. Est-ce qu'il y a un trophée pour les étudiants à la fin ? Alors oui, effectivement, il y a un trophée pour les petites et les grandes écoles. Donc là, la remise des trophées qui aura lieu bientôt fin février de l'édition précédente. Et un trophée pour petites écoles et grandes écoles. Les gagnants seront annoncés le jour de cette remise des trophées. Et chaque étudiant, oui, va gagner un petit quelque chose à la fin de son don. Donc en plus de la collation, on vous délivrera un petit pins de notre fabrication. Il l'a dit ! Il existe encore ! Dont les étudiants sont très friands, et donc du coup, en collaboration avec l'EFS, voilà. Eh bien, c'est génial, oui, effectivement. Donc, une cérémonie va avoir lieu, effectivement, en présence aussi de Madame Chenez-Kerouni, la présidente du département. Oui, Dominique, tu veux rajouter quelque chose ? Si je ne suis pas étudiant, est-ce que je peux donner à la fac aussi ? Alors, les lieux de collecte ne sont pas uniquement réservés aux étudiants, même s'ils sont situés sur les lieux d'études des étudiants. Vous pouvez tout à fait donner si vous n'êtes pas étudiant. Ils peuvent donner leur sang aussi, quoi. Pas de souci. Ils nous écoutent. Oui, il y a une notion de parrainage. Oui, et une notion de parrainage aussi avec un coupon de parrainage qu'on a pu mettre en place. C'est-à-dire qu'une personne qui souhaite parrainer une autre personne pour son don du sang va demander un coupon, donc on va lui délivrer un coupon, et elle va remplir sa partie, puis le donner à la personne parrainée. Et la personne parrainée, lorsqu'elle va venir faire soit son don du sang, soit son don de plasma à la maison du don, va donner ce coupon, et elle recevra donc un point pour son école, et la personne qui a parrainé recevra également un point supplémentaire pour son école. Ça, c'est important de le dire, mais les années précédentes, il n'y avait que le don du sang qui comptait, mais maintenant, oui, il y a même le don de plasma qui compte. Effectivement, c'est une notion importante. En guise de mot de la fin, qu'est-ce que vous diriez pour convaincre encore les ultimes personnes qui seraient encore un peu réticentes à venir participer à ce challenge, André ? Et bah, pour les personnes qui sont encore réticentes ou qui ont un petit peu peur des aiguilles, lancez-vous. Faites-le avec un ami, avec votre copine, avec votre copain ou avec un membre de votre famille. Le personnel santé, le personnel soignant va très bien vous entourer, je pense, et vous serez très bien pris en charge. Voilà. Merci André Sonnet. Donc c'était l'organisateur du Rallye du sang 2026. Le temps du don, le temps de l'agenda. Et comme à chaque émission, nous allons terminer avec Dominique qui, tel un Mister Météo, nous annoncera les prochaines collectes. Ouais, alors on ne change pas les bonnes habitudes. On pourra donc se rendre pour sauver des vies en tendant le bras, en étant reçu par les Amicales et le FS. Alors le 16 mars, ça sera Rosière-Rosaline, à Chennevières, le 6 en Bermenil et à Gerbévilliers le même jour, le 27 mars. À Toul, la salle de l'Arsenal sera ouverte toute la journée du 26 mars pour recevoir vos dons de sang. À Custine, le 6, à Vesely, ce sera le 12, et à Aton, le 30. À Briey, dans les salons de l'Hôtel de Ville, le 27 mars. Attention, ce n'est que le matin et jusqu'à 13h30. À Pienne, le 12, à Cutry, le 26, et à Alexis, le 11 mars. À chaque fois, la plupart du temps, en fin d'après-midi, avec le travail, donc pas d'excuses pour ne pas y aller. Et puis, il y a les collègues, on en a parlé de toute l'émission, comme dans les campus sciences, médecine, lettres, dans les lycées, les collèges. Et certaines sont ouvertes à tous, comme au collège Saint-Sigisbert à Nancy le 26 mars, ou au collège Paul Verlaine à Malzéville le 17 mars. Et puis, si vous avez arrêté une date, vous pouvez nous réécouter en podcast pour ces dates, ou alors aller sur le site dondusang.santé.gouv.fr, comme d'habitude, ou taper don du sang sur votre moteur de recherche préféré. Et toujours, je vous incite à télécharger l'application Don de sang pour trouver les dates et aussi d'autres fonctionnalités super pratique, par exemple pour rendre rendez-vous. Et puis, comme il faut présenter une pièce d'identité avant chaque don de sang ou de plasma, l'application peut servir pour remplacer celle que vous auriez laissée chez vous. Et toujours à la maison du don pour les dons de sang, de plasma et de plaquettes, on n'en parle pas assez. Voilà, Christophe. Merci Dominique. Le temps du don, c'est fini pour aujourd'hui. Le temps de cette émission, vous auriez pu faire un don de sang et devenir un héros en sauvant 3 vies. On vous retrouve avec Dominique le mois prochain, vendredi 3 avril à 12h30, avec un nouvel invité.